Twist and Shout des Beatles. Sur RIG, il est 20h. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des femmes fortes numéro 636. Et on est au mois d'avril, mais quasiment au mois de mai, puisque c'est demain que démarre le mois de mai. Mai, juin, deux derniers mois, avant de faire une pause, j'ai réalisé également que ça y est, nous avons fini la 41e année de la saga, puisque ça a été créé en avril 1984. Et on est en avril 2025. Donc, à partir de demain, puisque je ne sais plus exactement quand j'avais préparé, commencé cette émission, quel jour du mois d'avril je l'avais faite, eh bien, on va considérer qu'on démarre la 42e année. En fait, ce sera en septembre pour nous, parce que on fait des... un peu comme l'école, quoi, de septembre à juin. Enfin, c'est ce qu'on faisait dans le temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Et pour une fois que je vous fais des thématiques, aujourd'hui, c'est un spécial Ringo Starr. Si vous ne connaissez pas Ringo Starr, j'espère que au bout de ces 33 chansons de programmé, vous vous direz Ringo Starr, finalement, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. J'ai choisi de vous faire 9 chansons des Beatles. Tout le reste sera du Ringo Starr direct. La semaine prochaine, ce sera un spécial Harrison, il me semble. La semaine suivante, un spécial Lennon. À chaque fois, des Beatles d'abord, puis la carrière en solo. Et puis, on terminera cette thématique avec deux McCartney à la suite. La première partie 1 avec McCartney Beatles et McCartney en solo. Et comme lui en a fait énormément, ce sera la partie 2 avec tout le McCartney en solo. À partir de la date à laquelle on aura fini pour le McCartney 1. Vous avez suivi? Et prenez des notes. Je le redirai de toute façon la prochaine fois. Bienvenue. On est ensemble jusqu'à à peu près 22h. Vous êtes sur RIG90.7 ou www.rigfm.fr. Allez nous voir sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et puis on en parle si vous le voulez bien. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Ça va commencer dans quelques secondes avec, sur Please Please Me en 63, Boys. Commence bien. Des Beatles, mais chanté par Ringo Starr. Bonne soirée à toutes et à tous. Et le mercredi soir, c'est RIG, la radio des Beatles. J'ai, pour cette saga des Fab Four, j'ai choisi en principe une seule chanson par album, comme quoi il y avait de quoi faire. Nous étions sur l'album au départ, l'album Please Please Me en 63 avec Boys. Nous sommes maintenant sur l'album With the Beatles, toujours en 63, avec I Wanna Be Your Man. I Wanna Be Your Man, c'est une chanson écrite par John Lennon et Paul McCartney en 63. Elle est composée à l'origine pour Ringo et laissée inachevée. Elle est dans un premier temps cédée aux Rolling Stones qui la sortent en single. Il s'agit de leur premier succès, Rolling Stones, en 12e position des charts britanniques. Elle pousse également Mick Jagger et Keith Richards à entreprendre de composer leurs chansons comme le font les Beatles. Comme quoi, s'il n'y avait pas eu les Beatles... Bon, ces derniers enregistrent également la chanson fin 63 pour leur album, nouvel album With the Beatles. Là, on parle des Beatles, qui se classe pendant 22 semaines en tête des charts. Rock classique aux paroles simplistes, I Wanna Be Your Man reste secondaire dans le répertoire du groupe, mais elle a été la principale chanson interprétée sur scène par Ringo Starr, particulièrement durant les nombreux concerts donnés à travers le monde en 64, et a fait également l'objet d'une bonne quinzaine de reprises. 64, quelle belle année! Well, how come you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth, now is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is too doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. On George, one time for me. Morning, you don't look right. You've been out painting the town, baby, been stepping around. Well, well, honey, don't. I said, honey, don't. Ringo one time. La radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. Et ce soir, c'est un spécial Ringo Starr, 100% Ringo Starr, avec les Beatles pour l'instant, mais tout à l'heure, dans un petit 5 ou 6 chansons, je ne sais plus combien où on en est actuellement. Mais à peu près, on passera au Ringo Starr en solo de 1970 jusqu'à 2025. C'est promis. 2 heures avec Ringo Starr, vous allez probablement vous dire, c'est bien. C'est même mieux que je pensais. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on in your mind? The other day I saw you as I walked along the road. When I saw him with you, I could feel my future fold. It's so easy for a girl like you to lie. Tell me why. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. Goes on in your mind. I met you in the morning, waiting for the tides of time. But now the tide is turning, I can see that I was blind. It's so easy for a girl like you to lie. Tell me why. What goes on

d'abord, il y a eu en 68 Don't Pass Me By, la chanson que Ringo avait pour une fois écrite, mais il l'avait écrite en 63, donc 5 ans auparavant, et depuis tout ce temps-là, il essayait de la fourguer, et à chaque fois, le barrage Lennon-McCartney qui lui disait « Écoute, ouais, c'est pas mal, on l'étudiera, mais pour l'instant, on va faire autre chose. » Voilà. Et puis en 68, ça a été OK. Et puis, cette chanson, à l'instant, c'était « Don't Pass Me By ». Non, ça, c'est celle... c'est la première dont je parlais, hein, « Don't Pass Me By ». Et là, à l'instant, « Octopus's Garden ». Alors là, elle est sortie en 69, mais c'était un moment où, justement, en 1968, pendant l'album blanc, Ringo Starr en a eu marre, et il a pris ses clics et ses claques, il a laissé ses tambourins là où ils étaient, et il est parti... en Sardaigne, je crois, sur un bateau, faire un petit peu le vide, parce qu'il avait l'impression que tout le monde s'entendait, sauf lui. C'est célèbre, ce truc-là. Ringo Starr le raconte lui-même. Il dit, je suis allé voir John, je lui ai dit, tout le monde, vous vous entendez tous, pas moi. Et Lennon lui a répondu, ah bon, je croyais que c'était vous trois. Il est allé voir Harrison. Il dit, Harrison, j'ai l'impression que tout le monde s'entend bien, sauf moi. Et Harrison lui a dit, ah bon, je pensais que c'était vous trois, etc., etc. Bon, et sur ce bateau, le capitaine lui a fait manger du poulpe. Et bah de là est venue cette chanson Octopus's Garden. Bon, et vous vous rendez compte qu'on approche, on est même à la fin, parce qu'il fallait bien que je trouve un moyen de changer d'air. Voici la première chanson en solo de Ringo Starr sur l'album Sentimental Journey. Voici le titre éponyme, Sentimental Journey, nous sommes en 1970. Et vous, vous êtes sur RIG 90.7, la radio des Beatles. C'est un spécial Ringo. Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each time I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time. Sentimental journey, sentimental journey home. Star qui ne chantait qu'une ou deux chansons par album sera très très occupé en 70 puisqu'il sortira deux albums, Sentimental Journey et Bokoops of Blues, puis il donnera un coup de main à son pote Lennon pour son album Plastic Ono Band, et il donnerait également un coup de main à son pote George Harrison pour l'album All Things Must Pass. Ce qui concerne McCartney, au départ ça fritait un peu, même pour le gentil Ringo Starr, puisqu'il écrira Back Off Boogaloo en 72. J'ai découvert récemment, parce que je m'étais jamais attardé sur cette chanson, j'ai découvert que c'était une chanson qui était un petit peu pour dire des vacheries de Paul. Bon, se sont réparés, ils sont bien restés amis après, hein, parce que Ringo Starr, on peut que être copain avec lui, c'est un mec gentil. D'ailleurs, le voici en 1973 avec une chanson écrite par John spécialement pour Ringo, je le répète à chaque fois, parce que je trouve que c'est très très vrai. John Lennon a dit « Si moi je chante, je suis le meilleur, on va trouver que j'ai une grosse tête. Mais si Ringo Starr chante « Je suis le meilleur », on va trouver que c'est plutôt sympa, que c'est de l'humour. Ben c'est vrai. I'm the Greatest en 73, c'est la presque réunion des Beatles, puisqu'ils étaient au moins trois quarts des Beatles sur la plupart des chansons, mais jamais les quatre ensemble, puisque McCartney n'a pas eu le droit à voir les deux autres, de Harrison et Lennon. Bon, ben voici la chanson. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. Un an plus tard, 1974, Elton John, au fait de sa gloire, a donné un coup de main en 74 à John Lennon pour, par exemple, Whatever Gets You Through the Night sur l'album Walls and Bridges, mais également, il est venu sur l'album de Ringo Starr, l'album qui s'appelle Goodnight Vienna, pour l'aider pour une chanson. Cette chanson a été écrite par Elton John et Bernie Taupin, je crois en anglais on doit dire Taupin sûrement. Pour cette chanson qui s'appelle Snookeroo, on sent la patte de Elton John et c'est franchement bien. One, two, three, four. Hey.

On va dire que Ringo Starr a profité de la vague post-Beatles de 70 à 75 à peu près. Et puis, il y a eu comme un passage à vide entre... Alors, ça, c'est moi qui mets la barre ici. Entre 75 et 1981, date à laquelle il recommence légèrement à redevenir bon. Et en 89, franchement, ça y est, c'est reparti. Et ça correspond à sa cure de désintoxication aussi, 89. Bon, mais même, ça je le dis pour tous les albums de nos chers gars de Liverpool, même pour un album moins bon des Beatles, on trouve toujours, enfin des Beatles, des quatre de Liverpool, on trouve toujours des petites perles, comme celle que vous venez d'entendre, You Don't Know Me At All, cet extrait de l'album Rotogravure en 1975, tout comme en 1976, pardon, Rotogravure, tout comme It's No Secret de l'album Ringo the Fourth en 77, l'album n'est pas terrible, mais cette chanson, It's No Secret, elle passe sans problème. Ringo est encore actif en 2025, je suis obligé de sauter quelques années. Et nous voici en 1981, date de l'album du retour pour moi. L'album Stop and Smell the Roses. Voici un extrait, chanson écrite par George Harrison pour son pote Ringo Starr, Rack My Brain sur RG. Rack my brain. Till my head's filled with pain. empty cup, all dried up. What I have, you don't want. What you want, I can't give. I got out of touch with you and yours, the way that you live. I try to do the best for you. While the sky pours down the rain, rack my brain. Thank you. n'appuie pas sur le bouton, vous ne m'entendrez pas. Picture Show Life à l'instant sur RUG 90.7, la radio des Beatles. C'était en 1983 sur l'album Old Wave. Elle vous plaît cette émission? C'est la saga des Fab Four numéro 636 et aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, c'est du 100% Ringo Starr de 20h jusqu'à 22h. Il nous reste encore 59 minutes de Ringo Starr, donc il ne faut pas traîner. Voici un nouveau titre extrait de... Alors, ça, c'est une chose que j'ai reçue récemment. Je ne la connaissais pas jusqu'à il y a très peu de temps, du genre 2-3 semaines. C'est extrait de la bande originale du film Stay Awake. Et en fait, c'est une chanson qui est en deux parties. La première chanson est chantée par quelqu'un d'autre, je ne me souviens même plus qui, mais je vous ai fait une séparation de façon à ce que vous entendiez la partie de Ringo. Et ça s'appelle Wish Upon a Star sur RG. C'est nouveau pour la saga, c'est la première fois que je le passe. 1983. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. Après ses débuts avec les Beatles en 1992, Ringo Starr nous sortait un album de très très haute qualité. L'album s'appelle, j'allais dire s'appelait, oui c'est vrai, mais il s'appelle toujours. Il s'appelle Time Takes Time et je vous conseille de vous procurer celui-là. Ou alors un autre qui s'appelle Vertical Man en 1998 avec cette chanson éponyme Vertical Man. That you've been looking through, it's really awful after all. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? As bad as you think it is, 'cause every bad day turns around. Forgive yourself for all the things you did. The vertical man don't lay down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? Star s'embellit en vieillissant, dans le sens que la qualité est meilleure à chaque fois, de mieux en mieux. En 2003, je vais vous proposer deux titres là, parce que ça vaut le coup. L'une, c'est une chanson que vous connaissez, en hommage à George Harrison, s'appelle Never Without You. Et la seconde est extrait, j'ai été obligé de me racheter l'album pour vous, bon pour moi aussi. C'était le Ringorama Deluxe, s'il vous plaît, sur laquelle il y a une chanson qui s'appelle Blink, que je ne connaissais pas forcément, puisque c'est une chanson bonus, et elle vaut le coup d'oreille. Voici donc deux chansons extraites de Ringorama. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. It was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. Your song will play on without you, and this world won't forget about you. Every part of you was in your song. Never without you, within you, without you. Pick

to the world. That's all right. Sometimes you blink. And let me tell you, well, there's nothing better. I'm in love. So just go out and get up. I will, and we will be together. Now I can fly. Thank you, Lord. Yeah, there ain't no two ways around it. My thanks to God for you. You're in love. On vous réinvitera, Monsieur Ringo Starr, parce que cette chanson est très très bien et c'est la première fois qu'on la passe dans la saga des Fab Four. Celle-ci, c'est avec Chrissy Hynde, les Pretenders. Mais oui, on ne se gêne pas, Monsieur Ringo Starr. We're going inside, outside, looking for a free ride, waiting for the band to come. Is it me or the drummer or your guitar strumming? Gotta tell me I'm the only one. I wanna sit here, drink beer, really love you deep, but there's a rent man knocking at my door. I got new shoes, new dress, how do I guess you don't love me anymore? Don't hang up. Don't hang me up. When I'm out there rocking, I'll be rocking round the clock and I'll always come home to you. While you're downtown playing, I'll be up. Hey, hey. Thing. Nous étions en 2008 sur l'album Liverpool 8 de Ringo Starr et nous passons en 2010 sur l'album Pourquoi pas, Why Not, avec la complicité de son pote Ringo, de son pote McCartney bien entendu. Voici la chanson Walk With You sur RG. Le meilleur de Ringo Starr ce soir dans la saga des Fab Four. Coincidental, we have met before. Let this be the time and place that we explore? With no hesitation, knocking at that door. Open up your heart to love forevermore. And I tell you it's a cold day in hell, but we remember that song that starts out, love me tender. And that king of hearts, when I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine, will be fine. In pain. I don't have time in what time remains. While I have just tried to explain, blue bayou. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer and it is real. I'll always be there beside you. Les Beatles, on pourrait même dire les Silver Beatles si on prend vraiment dans la préhistoire des Beatles, étaient attirés par le scuffle, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque en Angleterre à la fin des années 50. Et notamment Donnie Dalligan, Flanagan, en tout cas il chantait Rock Island Line que Ringo a eu la gentillesse de reprendre en 2012 sur son album Ringo qui s'appelle 2012. Ah oui, il avait un album Ringo en 73. 2012, il s'est pas foulé. Il a dit, c'est la date, on va le marquer. Et voici Rock Island Line sur RG. C'est rock. Jesus came to save us. down the line is the road to ride. Yeah, the rock on the line is a mighty good road. You've got to ride it like you're finding in your ticket. If the stakes, you fall the rock on the line. Rock on the line. Give it the station for the rock on the line.

seem so blue. You were holding my hand, beating the sand like lovers do. This reminds me of so many years ago. Times like these, I just got to let you know. I'm reminded of just how much you care. My life is never empty because you are always there. It's one of those days, it's magic, like only lovers know. It's one of those things, it's magic. Sur cet album de 2019, l'album What's My Name, juste après le générique, parce que Eric n'est pas là, donc on va passer tout ce qui était prévu et une chanson de plus après. Ça nous fait un beau best-of quand même. 2021, zoom in, zoom out sur RUG. They used to think the world was flat, and there'd be dragons off the edge of the map. Till Galileo put on his thinking cap to change things forever. Yes, just a dot. Every moment is teachable. Love is what it's all about. Zoom in, zoom out. Encore quatre chansons, la première extraite de l'album EP3. C'était son troisième EP, donc c'est pas fatigué pour le titre, de 2022. Il y aura ensuite Rewind Forward, donc on va en arrière tout en allant en avant. C'est tout à fait du Ringo Starr, c'est l'album éponyme en 2023. Et puis il y aura deux extraits de son dernier album. Il avait dit qu'il ne ferait plus que des petits albums de quatre chansons. Et là, il a été inspiré, on va dire, par le country. Donc il nous a fait un très bon album en 2025, sorti au mois de janvier. L'album Look Up, je vous en proposerai deux chansons pour terminer cette saga des Fab Four qui vaut vraiment le coup d'oreille, je trouve. C'est du très bon Ringo Starr. Voici quatre chansons à la suite. 4-1, comme les Beatles. Everybody, where you at? Time to meet your greatness. Take the power, throw it to the world. Let's see what you can do. It's getting harder to unplug. We're all drowning in content. Let's hope we wake up real soon. Take a walk along the ocean. Make a moment last. Back. We could learn to be forgiving, maybe teach someone the same. Everything is changing today. Looks like a movie scene I saw on HBO. Something about a warning that we're headed for the danger zone. Let's not wait to see what happens next. We could try to make life better, or we could all just disappear. There's at least a million reasons no one wants to hear. We can't wait for tomorrow, and we just can't look away.

Oui, je sais, on aurait pu continuer encore. Hein. Oui, on aurait pu. Parce que là, sauf à de très rares moments, et je vous ai indiqué quand, je n'ai sorti qu'une seule chanson par album, et encore pas sur tous les albums. Donc vous vous rendez compte, il y a de quoi faire. D'ailleurs, je me demande si, si jamais je suis très très en forme, si je ne vais pas vous proposer deux versions de cette saga des Fab Four. La première version, celle-là, le podcast normal, et la deuxième version que je vais réenregistrer en ne mettant que la musique, pour vous faire un best-of offert par la saga des Fab Four. Si ça vous plaît, je fais ça. Une deuxième version, version bonus, version deluxe, tiens. La version deluxe avec un best-of Ringo Starr. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Moi, s'ils veulent me demander pour que je leur propose des bonnes chansons, et encore là, j'aime des chansons connues, j'aurais pu en mettre d'autres qui sont très très bien. J'en ai fait, hein, je l'ai fait un petit peu de temps à autre. Blink, par exemple, c'est très très bien. Enfin bref, pas d'Eric ce soir, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. Rappelez-vous, quand Eric n'est pas là, il y a une chanson bonus après. Et je compte sur vous pour chanter le refrain parce que, franchement, c'est facile. Cet extrait de l'album What's My Name en 2019, oui, c'est encore du Ringo Starr. À très très bientôt, merci d'être resté aussi longtemps, je pense et j'espère que ça vous a bien plu. La semaine prochaine, ce sera un best-of George Harrison, on avait dit. Voilà, donc à la semaine prochaine, ciao, bye bye, bisous aux filles et poignée de main aux garçons, c'était Thierry Gallet en direct de la saga des Fab Four, numéro 630. Oh, j'ai plus, j'ai rangé la feuille, mais enfin bon, et j'arrête de discuter, je m'en vais, salut. and sisters, fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers, thank God.